Chapitre 7. Diplomatie féminine. La chasse à courre dont Henry Harding avait été le héros fut la dernière de la saison. Le printemps était venu, couvrant le comté de Bucks de son manteau vert tout constellé de fleurs. La caille picorait dans les champs de blé. Le coucou faisait retentir de sa note mélancolique les bois que remplissaient la nuit les merveilleuses vocalises du rossignol. C'était le mois de mai, époque charmante où la nature entière semble saisie du besoin d'aimer, où les plus farouches habitants de l'air et les plus timides quadrupèdes, domptés à la fois et enhardis par ses influences, cherchent les épaisses futaies pour s'y livrer aux plaisirs qui leur sont refusés dans toute autre saison. Que les passions de l'espèce humaine soient soumises à cette même influence, c'est une question qui reste à résoudre. Peut-être l'homme primitif la subissait-il, et a-t-il inconsciemment obéi aussi aux impulsions de la nature. Mais quelle que soit l'époque de l'année, l'amour germe dans deux jeunes cœurs. C'est certainement le printemps que la nature a désigné pour sa maturité. C'était au moins le cas pour Henry Harding. Au mois de mai, sa passion pour Belle Mainwaring était mûre et demandait à être cueillie. En d'autres termes, Henry trouva que le moment était venu de la déclarer à celle qui en était l'objet. Pour le monde, il restait douteux encore que cette passion fût partagée, quoique l'on crût généralement que la coquette s'était enfin laissée surprendre. La partialité de Belle pour Henry, en supposant qu'elle existât, s'expliquait non seulement au point de vue de la fortune, mais encore à celui des avantages extérieurs. À cette époque, le plus jeune fils du général Harding, parvenu à l'âge d'homme, était doué d'une physionomie et d'une tournure dont la grâce n'excluait pas la virilité. Le seul défaut qu'on pût lui reprocher était d'une nature toute morale, son penchant pour la prodigalité, mais le temps pouvait le corriger. Ce défaut d'ailleurs ne lui faisait aucun tort aux yeux des femmes, dont plus d'une enviait tout bas la chance de Belle Mainwaring. Quant à cette dernière, une conversation qu'elle eut un certain matin, en déjeunant avec sa digne mère, dévoilera le caractère et la nature de ses sentiments. Le nom de Henry Harding venait d'être prononcé. « Ainsi, tu veux l'épouser ?» demanda Madame Mainwaring. « Oui, maman, avec ta permission. » « Et la sienne ?» Belle laissa échapper un frais éclat de rire. « La sienne, mais maman, je n'ai plus besoin de la lui demander. Déjà, s'est-il donc déclaré ? Je veux dire de vive voix ?» « Pas exactement. Mais, chère maman, je m'aperçois que tu veux connaître mon secret avant de donner ton consentement. Je ferai aussi bien de te tout dire. Il se déclarera bientôt, aujourd'hui même, si je ne me trompe pas de date. D'où te vient cette certitude ? C'est bien simple. Il m'a fait comprendre qu'il avait à causer sérieusement avec moi et m'a prévenu de sa visite pour cet après-midi. Qu'a-t-il à me dire, sinon qu'il m'aime et serait heureux d'obtenir ma main ? » Madame Mainwaring ne répondit pas. Sa physionomie pensive n'exprimait pas la satisfaction qu'espérait sans doute y lire sa fille. « J'espère que tu es contente, chère maman, » dit celle-ci. « De quoi, ma fille ? Mais de, eh bien, d'avoir Henry Harding pour gendre. »« Ma chère enfant, » répondit la veuve de ce ton circonspect, particulier à son pays. Elle était écossaise. « C'est une chose sérieuse, très sérieuse, et qui mérite considération. Tu sais quelle est notre situation et combien maigres sont les ressources que ton pauvre père nous a laissées. Comment ne le saurais-je pas ? » répondit Belle avec humeur. « Ne dois-je pas retourner deux fois mes robes de bal et les faire teindre pour qu'elles puissent servir une troisième fois ? Raison de plus pour épouser Henry Harding. Il m'évitera toutes ces vilainies. » « Je n'en suis pas sûr, mon enfant. Tu sais quelque chose, maman, quelque chose que tu ne m'as pas dit ? Presque rien, à mon grand regret. » « Mais son père est riche, et il n'a que deux fils. Tu m'as dit déjà que ses biens n'étaient pas, comment appelles-tu cela ? Substitués, je crois, et qu'ils seraient partagés également. » « Je me contenterai parfaitement de la moitié. »« Et moi aussi, ma fille, si j'étais bien certaine de l'avoir, cette moitié. »« C'est là qu'est la difficulté. »« Si les biens étaient substitués, il n'y en aurait aucune. »« Alors je pourrais épouser Henry ?»« Non, Nigel. »« Oh, maman, que veux-tu dire ?»« Parce que la fortune appartiendrait à Nigel. »« Aujourd'hui, la situation des héritiers est douteuse. »« Tout dépend d'un caprice du testataire. »« Et je connais assez le général Harding pour le croire très capricieux. » Belle resta à son tour silencieuse et pensive. « Il est fort à craindre, continua la respectable matrone, que le général déshérite Henri, ou ne lui laisse que fort peu de choses. Il est certainement très mécontent de son cadet, dont il a vainement essayé de réformer la conduite. Je ne prétends pas que le jeune homme soit complètement perverti, sans quoi je n'en voudrais pas entendre parler, pour gendre, quelque pauvre que nous soyons. » En parlant ainsi, la veuve interrogeait sa fille du regard. Belle lui répondit avec un sourire significatif. « Mais maman, le mariage ne le corrigerait-il pas de ses habitudes de prodigalité ? Ne serais-je pas là pour prendre soin de sa fortune ? Certainement, supposant qu'il en ait. Mais, je le répète, c'est justement là que j'ai la difficulté. Mais maman, je l'aime. J'en suis désespéré, mon enfant. Tu aurais dû être plus prudente et songer davantage à l'avenir. Ne décide rien. Attends par amour pour toi et pour moi. Mais il va venir. Quelle réponse lui ferai-je? Une réponse évasive, ma chère. Rien n'est plus facile. Ne suis-je pas là pour endosser toute responsabilité? Tu es mon unique enfant. Mon consentement est nécessaire. Allons, belle, tu n'as pas besoin de mes instructions. Tu ne risques rien à attendre. Tu as tout à gagner, au contraire. Une précipitation à considérer t'expose à devenir la femme d'un homme plus pauvre même que ne l'était ton père. Et au lieu d'être forcé de retourner tes robes de soie, tu pourrais bien n'en pas avoir du tout à mettre. Sois donc prudente, c'est mon dernier conseil. » Belle soupira sans répondre. Mais ce soupir n'était ni assez profond ni assez triste pour laisser supposer à sa mère que ses excellents conseils étaient perdus. Le fin sourire qui l'accompagna lui prouva même que sa digne fille avait pris le parti de la prudence.